Qu'est-ce que tu délires encore? Au comptoir, tu baves sur ta vie, tu laisses aller ton âme, tu soulages ta conscience. Il y a 2 heures que tu es là, et il fait déjà nuit. Chez toi, quelqu'un t'attend, mais c'est sans importance. T'as pas envie de rentrer, t'as le nez dans ta bière, ton reflet dans la glace te semble s'éloigner. T'es rivé au comptoir pour pas tomber à terre. Tout ce qu'il y a autour de toi, tu cherches à l'occulter et tu rêves. Tu voudrais changer de nom, comme pour t'effacer, te refaire une autre vie. Mais voilà, t'oses pas, alors tu te laisses aller. Dans l'alcool tu te noies, comme ça tu as l'impression que tu vas tout oublier. Les angoisses de ta vie, tes ennuis de bagnole que t'as pas fini de payer. Avant un bon moment, ta santé que tu ruines à siroter de l'alcool pour sûrement pas t'aider dans ta fuite en avant. Et tu rêves. Gros nuage dans ta tête, oui c'est ça ton rêve. Pas évident de rester calé sur le métronome. Voudrais tant qu'on t'aime, mais fais donc un effort. T'as pas vu ton allure, on dirait que t'es déjà vieux. Chez toi quand tu t'écroules, tu ronfles comme un porc, et ta femme n'a déjà plus de larmes dans les yeux. Tu ne sais même plus conjuguer le verbe aimer. Ton univers est triste comme le fond de ton verre. Même tes meilleurs copains t'ont tous laissé tomber. Et ta vie doucement devient comme un enfer, comme ton rêve. Gros nuage dans ta tête, oui c'est ça ton rêve. Allez, j'en ai trop dit, je sens que je t'exaspère. Pour toi je suis comme les autres, tu te dis incompris. mais je suis ton ami. Nous étions comme deux frères, et je ne peux te laisser détruire ainsi ta vie. Debout, je t'accompagne, je te ramène chez toi. C'est tout ce que je peux faire aujourd'hui pour t'aider. Mais si demain tu te souviens de ce que je t'ai dit là, c'est que tout n'est pas fini, que tu peux ressusciter. Laisse tomber ton ivresse, elle te mènera nulle part. Il y a quelqu'un qui t'attend, toujours quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui croit encore que tu es resté le même. Et si tu peux le comprendre, c'est qu'il n'est pas trop tard.